Cette merde comme un QB, pyramide inversée au cou comme Yugi. On est des PGM, des newbies. J'ai mon vénère en moi, des bails de QB. Dans le nord comme des pirates, arabes nazis comme en Irak. Aquarium dans le mirage, nique la chance, nique un mirage. 6-6-7 plan drapeau net, nique le Dajjal, nique Baphomet. Souliers du pilote sans presse, métro, rien à branler dans l'alcotest. J'ai fraqué dans la black mobile, négro gelé comme un alcoolique. C'est comme Yao Ming, c'est le maire comme un manchaolit. Cette merde sans stress, trash magma dans 16S. Négro Corleone Shenzhen, seigneur 6 degrés 76S. Bah les couilles du rap français, négro c'est la crise comme en Grèce. Fonce car je drift dans le siezel, négro je veux honorer mes ancêtres. Je veux que mes négros s'engraissent. 667 grande 16S. Une équipe qui fume ça tous les jours, archivis comme KDD 113S. Diamant noir dans le désert, discret comme des camps 16R. Tireur d'élite, précis headshot sans stress, même à 1100 mètres. Yeah.